Difunto. Salón. 4-1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émilie Gauthier lui demande enfin, veux-tu sortir avec moi? Et Martin Bertrand nous parle des sites de rencontres. Tout ça à Assemblage requis, tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Que de qualité aujourd'hui dans l'émission. Très belle introduction avec un lien en plus entre les deux sujets. C'est rare qu'on fait ça. Ben oui, Émilie Gauthier qui veut sortir avec nous. Oui, c'est ça, avec nous. Nous tous. Ouais, non, ça peut porter à confusion juste dire ça comme ça. C'est pas à son honneur. On devrait peut-être expliquer un peu. Ben, c'est sa chronique plein air, donc elle nous propose de sortir avec elle de War pour jouer dans la neige et autres. Voilà, donc c'est le nouveau nom finalement de sa chronique qu'elle fait déjà depuis plusieurs mois ici. Simplement, maintenant, elle a un nouveau nom et ça s'appelle Veux-tu sortir avec moi? Mais avec elle. Avec elle. Pas moi, mais elle va dire moi. Les gens pourraient sortir avec toi aussi, dépendant d'eux. Bon, oui, c'est sûr. C'est ça. Aujourd'hui, Émilie va nous parler de la fête des flocons du centre de ski de fond à Richemont-Melbourne, du centre de ski de fond de la montagne coupée et de la clé des bois. Donc, beaucoup de contenu dans sa chronique plein air tout à l'heure. On va aussi avoir une chronique, une capsule de Martin Bertrand, sa petite mythologie. Cette semaine, il analyse et décortique les sites de rencontres sur le Ternet. Les différents Ternet. Donc, ça va peut-être nous permettre aussi de sortir avec quelqu'un. Dehors, peut-être. Dehors. Ou à l'intérieur. Dépendant où vous mettez votre ordinateur, finalement. Et aussi, aujourd'hui, dans l'émission, comme tous les mardis ou presque, non, pas mal tous les mardis, je vous fais quelques suggestions de nouveautés musicales parce que c'est la journée des sorties CD dans les magasins. Magasins! Donc, je vous fais quelques suggestions. Quand même pas mal de trucs aujourd'hui. C'est une bonne semaine comparativement aux dernières semaines. Là, les semaines qui avaient suivi les fêtes, c'était assez tranquille, c'était assez mort. Là, la vie reprend cette semaine. Ah, ça va être plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 17h. Commençons avec un bloc musical, je dirais, mollo. Oui, ça va être assez tranquille. Il va y avoir du Éléphantine, mais on va commencer tout de suite avec Hôtel Morphée. Vous êtes au 89.1 FM? C'est fou! Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse grandir le moteur. Défiler les acteurs. Descends doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que main les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plan verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. Yeah.

Pour demain, les jours qui suivront par Vanessa Parietter à Assemblage Requis. Oui, juste avant ça, on a entendu Elephantine avec la pièce Libérer le génie, qui est le premier extrait qu'on avait joué ici de cet album-là, l'album Bonheur en 3D. Et Elephantine sont en spectacle ce soir au Gambrinus. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Ça coûte juste 5$ pour aller le voir au Gambrinus ce soir. Pas ici, cher. À Trois-Rivières. Maintenant, on va écouter quelques nouveautés musicales avec Kiwan. Oui, c'est ça. Comme je disais au début de l'émission, cette semaine, après avoir passé plusieurs semaines de vaches maigres en question de nouveautés CD, il n'y avait vraiment pas grand-chose après les fêtes, toujours un peu tranquille. Mais cette semaine, c'est le retour à la vie normale. Même, je dirais qu'il y a beaucoup, mais peut-être même plus que d'habitude, des bonnes sorties. En tout cas, ça, c'est toujours relatif parce qu'il y en a toujours à peu près le même nombre à chaque semaine. C'est juste qu'il n'y a pas toujours des choses qui nous intéressent, nous, ici, assez fous. C'est ça l'important. Même, je dirais, moi, personnellement, parce que je répète encore une fois que c'est vraiment mon opinion personnelle. Donc, c'est pas nécessairement les sorties d'albums qui auront marqué le plus l'histoire de la musique et non plus ceux qui vont en vendre le plus. C'est vraiment ce qui a retenu bien personnellement, moi, mon attention. Donc, je vous en fais un petit compte rendu maintenant. Dans les sorties, dans les groupes plutôt qui ont le plus attiré l'attention aujourd'hui, celui en fait qui attire le plus mon attention et peut-être même celui en général des gens, c'est Spoon, le groupe Spoon, dont Maxime nous a déjà parlé ici il y a quelques mois. Il avait parlé en fait de cet album-là qui allait sortir. Je le garde pour un petit peu plus tard parce que c'est vraiment pas mal mon préféré dans les sorties d'albums d'aujourd'hui. Donc je commencerai avec We Are the City. Exactement. Pas nous sommes le CD, nous sommes la ville, ça? The City, exactement. City. Nous sommes la ville de City. The City! The City, l'album s'appelle In a Quiet World. We Are the City, c'est un groupe qui est canadien qui vit de Kelowna en Colombie-Britannique. C'est une musique indie pop, je dirais, assez tranquille. C'est beaucoup de piano, des arrangements assez tranquilles, assez doux. Ça fait penser un peu, je dirais, à peut-être Chad Van Gallen. Ah oui. Joel Plaskett, si on prend des artistes canadiens auxquels on pourrait peut-être mettre une image comme ça. C'est un trio. Le groupe We Are the City, ils sont vraiment, sont pas très âgés. C'est leur premier album qui sort, en fait. L'album est daté 2010, hein? Oui, c'est ça. C'est probablement le premier album qu'on reçoit ici, qui est daté vraiment de 2010. Parce que c'est toujours incroyable. Un petit délai, ou des fois, mais non, c'est, des fois, les albums sont envoyés un peu à l'avant. Mais en tout cas, en plus, cet album-là, ça fait déjà quelques semaines qu'on l'a, hein, l'album de We Are the City. Moi, je l'ai emprunté ici à la discothèque de C'est Fou il y a déjà comme une semaine ou deux. Donc, ça fait quand même un bout qu'on l'a ici. Est-ce que tu avais écrit ton nom dans le cartable? Ben oui. Caché parce que tu l'as ramené. Tout à fait. C'est bon. Exact. La la la la. Je suis en train d'y penser. Donc, on va écouter un extrait tout de suite de cet album-là. Quelle pièce? Juste avant d'aller écouter la pièce, peut-être parler un peu. On va l'écouter tout de suite une pièce. Ça va être la pièce Astronomers qu'on va écouter. Tout de suite, le groupe s'appelle We Are the City. On écoute ça tout de suite à l'émission Assemblage Requis. saura jamais. Donc, on vient d'entendre la pièce Astronomers du groupe We Are the City. Et donc, comme vous avez entendu, c'est quand même des arrangements assez sobres. Là. Il n'y a pas extrêmement de profondeur dans les arrangements. Ça reste assez simple. Et l'album est pas mal au complet dans ces tons-là. Beaucoup de piano. Le piano est très présent. C'est assez tranquille et c'est assez facile en même temps comme pop. Ça risque d'avoir du succès, j'imagine. Au Canada, ça pourrait devenir populaire. C'est un album qui est indépendant, mais quand même très bien produit. Hein, juste au niveau de la pochette, tu as vu, Mathieu, c'est quand même une très belle pochette. C'est pas du tout botché, mm-hmm. même si c'est un album indépendant. Très bel album. Donc, dans un style, disons, pop, facile, We Are the City. J'aime ça quand tu dis ça. Mais non, mais facile, c'est un adjectif que tout le monde comprend. Ouais. C'est pas compliqué. C'est ça. T'as pas besoin de te casser la tête pour embarquer dans la musique. Les arrangements sont pas trop profonds, sont pas compliqués. C'est simple, c'est livré facilement, efficacement. C'est un peu comme Assemblage Rocky, finalement. Exactement. C'est la facilité avant tout. C'est ça. Bien dit. Toujours dans le bloc de nouveautés musicales avec Kiwan, parlons un petit peu de Blockhead. Oui, Blockhead, c'est en fait le projet d'un artiste, solo qui s'appelle Tony Simon. C'est un New-Yorkais qui est né à Manhattan, à New York, et qui habite toujours. C'est le fils d'un artiste sculpteur, donc qui a toujours grandi à Manhattan. Donc sa musique est très urbaine, tu pourras le deviner. C'est le style de musique, c'est du hip-hop, mais très down-tempo, avec vraiment pas beaucoup de paroles. Il n'y a pas vraiment de paroles rappées par-dessus. C'est vraiment plus musical. Tony Simon, en fait, a essayé quand il était plus jeune de faire vraiment de la musique, de rapper lui-même, de chanter sur sa musique, mais il n'avait pas vraiment de succès, il n'aimait pas trop ça, c'était pas très bon. Donc il a décidé de se concentrer, il a décidé de rester derrière la console, derrière son ordinateur, faire de la musique, et c'est vraiment là qu'il est le meilleur. D'ailleurs, il fait aussi beaucoup de réalisations d'albums pour d'autres artistes hip-hop, mais il y a aussi son projet à lui, Blockhead. C'est son troisième album, celui-là s'appelle The Music Scene. Et voilà, donc on pourrait aller en écouter une pièce tout de suite. D'accord. On va écouter la pièce It's Raining Clouds, c'est ça? The Blockhead. À Assemblage Rocky. Au 89 FM. right. Well, when you see that, it means storm coming. Donc, l'artiste s'appelle Blockhead et la pièce It's Raining Clouds. C'est un album, en fait, l'album qui s'appelle The Music Scene. Vive MySpace. Hey. L'album s'appelle The Music Scene et c'est lancé sous l'étiquette Ninja Tune, donc probablement disponible pas mal partout, même si c'est pas un album. C'est même mentionné sur son site dans la description qu'il fait sur son MySpace. C'est un peu ironique, là. Il dit dans le fond, fait semblant qu'il vend des millions d'albums et puis qu'il se promène en jet, là. Mais là, il dit un peu après, c'est ironique, j'en vends pas vraiment, mais c'est vraiment un vrai artiste qui fait ça pour la forme. Mais c'est quand même très bon, donc je souhaite vraiment qu'un jour ça ait du succès. En même temps, c'est pas le genre de musique qui va devenir populaire et commerciale, mais c'est vraiment très très bon, donc je lui souhaite quand même un bon succès, oui, dans ses études. Pareil. Très bon, donc cet album-là, Blockhead, paru sous Ninja Tune. Ouais. Il reste un groupe à faire du côté anglo, donc je vous en ai parlé un peu au début, le groupe Spoon, qu'on a déjà entendu quelques fois ici à l'émission, même déjà des extraits de ce nouvel album-là. Il y en avait des extraits de l'album Transference qui sort aujourd'hui et qui était disponible, des extraits disponibles sur leur MySpace depuis quelques mois déjà. Et l'album sort aujourd'hui, donc cet album-là, Transference, qui sort sous l'étiquette Merge Record. Le groupe Spoon, c'est un groupe de Houston au Texas, et c'est vraiment pas un nouveau groupe, hein, même si moi je le connais depuis pas longtemps. En fait, Maxime m'a fait découvrir ça le vraiment pas longtemps, quelques mois je dirais. Mais le groupe existe depuis 1994, donc on peut presque dire que c'est des vieux de la vieille. Leur premier album date de 96, ça s'appelait Telefono. Telefono. Et il y a eu un paquet d'albums depuis ce temps-là. Ça serait comme, là, tout dépendamment si on compte les EP, les maxi, les longs jeux, tout ça, là, ce serait comme leur 9-10e album, celui-là, Transference. Et le son a vraiment évolué, évidemment, depuis 1994. Au début, c'était un type de rock assez classique, rock alternatif, avec des influences assez claires, je dirais même des Rolling Stones. Donc, un son assez classique pour leur rock à leur début, mais ça a évolué pas mal. Et ça, c'est de plus en plus proche. Ça s'acoquine de plus en plus au mouvement de indie rock, donc le son un peu traditionnel indie rock. Et nous, on va écouter un extrait de cet album-là de Spoon. L'album s'appelle Transference, et on va écouter la pièce Got Muffin. Nothing. Nothing. Got okay. Nothing. Petite cuillère deviendra grande. Voilà. C'est ça. Je savais que tu l'attendais. T'es sûr dans ta tête que j'allais la faire. Fait que je voulais juste te récompenser de ton attente. Ta passion. Ça fait plaisir, Mathieu. When I'm with you, all my brothers, oh, I feel like a king. Toujours Assemblage Rocky avec Kiwan et Mathieu, et toujours dans le bloc, une nouveauté avec Kiwan. Oui, on continue, il y en avait beaucoup aujourd'hui, donc c'est pour ça que le bloc est particulièrement long. On a fait le côté anglophone avant la pause. Il reste le côté francophone. Je vais t'avouer tout de suite, Mathieu, que rien de très exceptionnel du côté francophone cette semaine. Rien qui va révolutionner nos vies et le monde de la musique, mais quand même des trucs intéressants qui valent la peine d'être mentionnés. Première chose, la première pièce que je vais vous passer, premier, c'est pas vraiment une nouveauté d'un album au complet. C'est plus comme une petite curiosité où, en fait, c'est pour les grands fans de Loco Locas qui en peuvent plus d'attendre du nouveau matériel de Loco Locas. Ça fait quand même déjà plusieurs années que leur dernier album Amour Oral est sorti. Et pas rien de prévu là, comme projet concret de sortie d'album dans la prochaine année, rien d'annoncé encore. Mais aujourd'hui, surtout en format numérique, j'imagine, je sais pas si ça va être disponible aussi en format CD, mais c'est l'espèce de trame sonore de la série Montréal-Québec. Est-ce que tu en as entendu parler de cette série? La série sur le hockey. Exactement. C'est comme une télé-réalité sur le hockey de garage. Donc, c'est de la télé-réalité et ça parle de hockey. Incroyable, wow! Hein? Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça. C'est nouveau, ça s'est jamais fait. C'est, oui. Mais non... C'est deux sujets qui t'intéressent. Ouais, là, je le vois dans ta face. Non, mais c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, là, c'est deux équipes de garage, une à Québec et une à Montréal. Puis là, ils vont faire un concours entre les deux pour savoir qui est le meilleur. Ça va être un succès bon, ça, je sais, par exemple. Ça va, ouais, c'est sûr, ouais. Parce qu'il y a plein de grandes figures du hockey, de professionnels qui participent à cette émission-là. Et on a demandé à deux artistes représentant chacune des villes, Montréal et Québec, de faire une pièce pour cette série-là. Et je trouve ça très drôle parce que. Qui penses-tu qu'on a demandé à Montréal pour représenter musicalement la ville de Montréal? Céline Dion. T'es proche. Pour vrai? C'est qui? Éric Lapointe. Hein? Incroyable. Éric Lapointe, le hockey et la télé-réalité. Hein? Je suis comblé, je m'en vais parce que je peux pas mieux que ça. vraiment tout pour nous intéresser. Ouais. Donc, j'ai cet extrait d'Éric Lapointe. Non, c'est pas vrai. Je vous ferai pas ça quand même. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que je souhaite que l'inégalité entre les deux équipes ne sera pas à l'image de celle de la musique, parce que à Québec, ils ont quand même réussi à trouver quelque chose qui avait pas mal d'allure. C'est Loco Locas, finalement, qui fait la pièce thème de l'équipe de Québec. Je sais pas trop comment l'indiquer, mais bref, tout ça, les deux pièces sont disponibles dans un coffret qui s'appelle Série Montréal-Québec. C'est disponible depuis aujourd'hui et nous, on va écouter la pièce de Loco Locas qu'ils ont fait pour leur équipe de Québec. Donc, c'est très gentil, là. C'est pas tout à fait à l'image de ce que Loco Locas font généralement, qu'ils font vraiment dans la critique sociale, et puis souvent, c'est assez corrosif au niveau des paroles, Loco Locas. Donc là, vraiment, étant donné que c'est pour une série à succès là, qui va attirer des millions et des millions de gentils publics moyens, c'est sûr qu'ils n'ont pas été dans leur... Ils sont en train de les traiter d'habitants, ça? Non. Pas Loco Locas, mais bon, le public moyen. Le public moyen, tu sais, le public moyen du Québec. C'est le mainstream. Je pense que les gens qui vont écouter la série Québec-Montréal, c'est un peu les mêmes gens qui écoutent les Star Academy et banquiers de ce monde. Ils n'écoutent pas, c'est fou! Exactement, donc on peut se permettre, je pense, de parler un peu d'eux autres dans leur dos. Mais quoi que, je dis ça, puis peut-être pas, là, si vous pouvez intervenir, là, si vous trouvez que je vous manque de respect. Rendez-nous tout de suite au 819-376-5183. Pourquoi pas, tu sais. Et donc voilà, donc c'est pas une pièce qui est si typique de ce que Loco Locas fait, mais quand même musicalement oui, musicalement ça ressemble à du Loco Locas. Et pour ceux qui sont en manque de nouveau matériel, ben je vous offre ceci, Hymne à Québec de Loco Locas. Et touchez-vous en l'écoutant. Touchez-vous. J'ai bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruit incendié, 4 mois par année dans les glaces brisées, protégées. Pour l'historien ou le topographe, de pied en cap, Québec est toute sauf plate. Carnaval, festival, fête nationale, l'hiver comme été, les nuits sont malades mentales. La base c'est la haute ville, c'est la mort des automobiles. Pour mort dans cette ville, faut rester mobile. 30 escaliers déclinent ces deux réalités, du cap blanc en pleine jusqu'au fait de la ville. Au loin, les Laurentides, l'île d'Orléans, panorama splendide. Depuis l'Astral, le Saint-Laurent irrigue sa vallée en aval comme une carotide. Car Québec, c'est le cœur du pays du Québec, fière fief de la francophonie. Québec, capitale septentrionale, bijou boréal des trois Amériques. Québec, attitude authentique du Québec, l'attitude nordique de Québec. 400 ans sur le cap diamant, porte ouverte sur le continent. Depuis des lunes et des lunes, on a pu prospérer en paix, protégé par la plume et l'esprit de Wendake. Pour un chiffre ou une date à célébrer, ça fait des milliers d'années que les Wendats sont arrivés. Quoi, en ce lieu d'exception, forteresse Sébastien, de ses lèvres pleines, le Saint-Laurent souffle son haleine sur les plaines. On respire et ça paraît un air pur, un air frais. Chez nous l'hiver, on l'embrasse à bras ouverts. Amenez-en des flocons, du Prima, du fret. On n'est pas pris le hockey, on se prend contre n'importe qui, mais je t'avertis, ça part de long des bancs dans l'arène Berti. Si c'est français, ça s'entend depuis plus que 100 ans. Pour la prononciation, tu le sais bien qu'on a raison. Comme Casson, on placote avec nos poteaux, et on fait des clins d'œil quand on se fait prendre en photo. Québec, c'est le cœur du pays du Québec, fier fief de la francophonie. Québec, Capitale. Ouais. Je sais pas. Pas sûr de celle-là, moi. Non, hein? Non. Mais j'avais quand même averti là, que c'était pas l'esprit original de Locolocast. Je veux dire, c'est pas ce qu'on est habitué d'entendre côté paroles de Locolocast. Je sais pas que c'est vendu, mais c'est très, très. Ah, on est donc bien, bien, Québec, que c'est le fun, que j'aime ça, que c'est cute, qu'il fait beau. Mais c'est un hymne. Hein? Même dans le titre de la pièce, c'est marqué hymne à Québec. Donc, je suis sûr que ça n'a pas le choix d'être un peu lèche-botte, mais bon, c'est la. Beaucoup. Bon, c'est ça. Ouais. Bref, t'as pas aimé ça? Ben, pas vraiment. Est-ce que ça te donne quand même envie de réentendre un jour du Locolocast? Bah, bof. Non, ok. Je suis pas un fan. T'es pas un fan à la base. J'aime bien, j'aime leur texte, mais j'aime pas vraiment tant que ça le style musical. T'sais. Ok. Ouais. C'est quand même particulier. Ils sont un peu entre l'arbre et l'écorce. Ouais, un peu entre deux styles. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Je suis pas convaincu de ça. Mais bon, c'est pas grave. Toujours dans le bloc francophone de nouveautés. Oui, on continue avec deux autres artistes francophones. Comme je le disais tantôt, avant de parler des nouveautés francophones, rien de très, très extravagant aujourd'hui, rien qui va changer nos vies. Donc, deux petites sorties quand même assez tranquilles, deux artistes assez pop. Un plus particulièrement, Francis D'Octobre, t'en as probablement déjà entendu parler parce que c'est probablement un artiste qui risque d'avoir un bon succès commercial au Québec. En tout cas, il est bien peigné, bien coiffé, bien ouais, metrosexual. La pochette est bien faite. Elle est faite pour vendre, je te dirais. Ouais. Là, ouais, c'est pas anti-vedette, disons le concept. Il a un regard vers le tu sais, vers, comment t'appelles ça? Vers le vide. L'horizon, ouais. Vers l'horizon, qui est très populaire dans la pop, ouais. Effectivement. Donc, Francis D'Octobre, son vrai nom, c'est Francis Roberge. Francis Roberge, ben non, mais c'est son nom, tu sais. C'est tout. Moins vendeur. Ouais, Francis D'Octobre, c'est un peu poétique, là. Francis D'Octobre, oh, l'automne. Oh, d'Octobre. Roberge, ouais, c'est plus terre à terre. Roberge! Francis Roberge! Francis Roberge. Donc, Francis Roberge, on va l'appeler Robbie, tu sais. Robbie Boy. Robbie Boy a passé par le relais des concours au Québec. C'est un auteur, compositeur, interprète. Donc, il a été finaliste à celui de Granby, le célèbre concours de chanteurs, de compositeurs, interprètes, auteur, compositeur, interprète de Granby, le Festival de la chanson. Donc, il a été finaliste en 2007. Et l'année dernière, au Francouverte 2009, a fait également partie de la finale, les trois finalistes des Francouverte 2009. Et cette année, il nous arrive finalement avec son véritable album complet. Son album solo, c'est un gars qui a fait beaucoup de travail aussi comme musicien pour d'autres artistes qu'on connaît comme Eve Cournoyer, Catherine Major et plein d'autres aussi qui peut-être te diraient rien, comme peut-être Alpha Rococo. Ah, ça me dit rien du tout. Vraiment pas. Non. Il a quand même roulé sa bosse depuis un bon bout de temps en tant que musicien. Donc c'est un son quand même assez populaire, très populaire même, je dirais. C'est de la pop franco. Tu as mis mon adjectif, mais c'est très léger et c'est très facile. Oh! C'est de la pop facile et légère. Hey, ça va me toucher, ça. Mais par contre, moi, tu vois, je trouve que ça ressemble un peu à du Dumas. Je trouve la première fois que j'ai entendu... À Dudu. Ça ressemble Dudu. À Dudu. La première fois que j'ai entendu ça, vraiment, je suis presque confondu avec Dumas. En tout cas, j'aime bien le côté un peu Dumas. Mais Dumas, une autre époque. Disons pas les derniers albums de Dumas, mais bon, un Dumas un peu plus lointain. Donc, c'est ça. C'est le genre d'artiste, je pense, Francis D'Octobre, qui va jouer un peu partout, qui va peut-être même un jour être surutilisé. Mais c'est le genre d'artiste que vous allez entendre dans l'autobus ou dans les endroits publics sur des radios très connues et que vous allez dire, bon, c'est peut-être le mieux qui peut passer dans ce genre de radio-là. C'est pas agressant. Non, c'est ça. C'est pas du tout agressant. D'accord. Donc, dans le style pop facile, léger, on écoute Francis D'Octobre et la pièce. La pièce, le premier extrait officiel, en fait. On va même écouter l'extrait officiel de l'album. Non, hein? Arrête-moi ça. Ah, on est-tu rendu mainstream? C'est fou. Pas supposé faire ça, là, minute, là. Wow. Hey, vous êtes à l'assemblage requis? Au 89.1 FM. On joue dans les bus aussi, je pense. C'est fou. Ben oui, des fois, ça arrive. On t'a affiché sur les bus. J'attends le train. J'attends ce train qui m'emmènera à croire en d'autres mers. Celui qui part pour ailleurs. n'importe où tu iras, ici ou ailleurs. Tu croiseras ton âme sœur, et si ce n'est pas ça, et si je ne suis pas là, attends le train, celui qui part pour pourtant y a rien qui fonctionne. Y a tellement de fonctionnaires, pourtant y a rien qui fonctionne. Rien pas tout. Ah, y a tellement d'autoroutes, pourtant tout est à la déroute. De New York à Bagdad, du Congo à Beyrouth, tout le monde répond à tout, mais ils font que semer le doute. C'est écrit gros dans le ciel, l'humanité fait fausse route. C'est écrit gros dans le ciel, faut qu'on change de bord. On me dit sois bon envers Dieu, mais ton voisin c'est un fouilleux, il est peut-être dangereux, il est peut-être dangereux. Attention aux pauvres dans la rue, c'est des voleurs, c'est connu. La mondialisation c'est bon, ça fait rouler l'économie. Ceux qui y croient pas, c'est des fuckés, c'est des bandits. On est tellement heureux, vive la démocratie. Oh, je suis tellement écolo que je me permets quatre autos. Je ferme toujours l'eau, puis j'écris les deux bords de la page. Ce que je fais le samedi, je lave mon entrée de garage. J'excelle à l'ouvrage, puis mes enfants sont bien sages, mais je les connais pas toutes. J'ai eu 48 mariages. 49? Je m'en rappelle plus. Puis j'ai beaucoup voyagé, Cuba, Turquie, Tunisie. Le monde est tellement fin, puis on des crises de belles plages. Genre, j'amène mon complexe hôtelier. Ben non, voyons donc, j'ai ben trop peur de me faire attaquer. Fait que je reste là à me faire bronzer, puis j'ai la bière à volonté. Oh yeah! Puis j'aime tellement la nature, mais je déteste les fourmis. Je suis tellement mature que je m'amuse plus dans mon lit. Au lieu, j'ai deux skidoo puis une grosse Ferrari. Je me loue des films porno les jours où ce que je m'ennuie. Oh hey! Vive ma petite vie! Ouais, puis je me tiens informé de ce qui se passe dans le monde. Le dimanche soir, j'écoute Guy à Lepage. Je m'assis dans ma chaise avec ma bouffe micro-ondes. Je regarde même les nouvelles, puis je lis les journaux, je comprends pas toujours tout. Mais je me sens tellement mieux dans ma peau. Ah ouais. Ah là, tout le monde dit que ça va mal, moi je dis que c'est quand même pas si pire. De toute façon, je serai mort quand explosera Montréal. Mon jardin est clôturé, je veux pas qu'on m'achale, faut qu'on respecte la loi. Je dis toujours bonjour à police, la liberté c'est une de mes valeurs fondamentales. Mais pour y avoir droit, faut être occidental. On peut l'appeler LP. Au lieu de Louis-Philippe. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à un autre chanteur qui utilise ses initiales pour se décrire. Un peu, à peine. Pépé. À peine. Mais cette pièce-là, en fait, oui, cette pièce-là ressemble beaucoup à du Pépé, mais parce que t'es assez minimaliste au niveau des arrangements. T'as comme juste une guitare avec un petit peu de percussion et sa voix. Donc aussi, sa verve, la façon de s'exprimer, la façon qu'il chante ses chansons ressemble un peu à celle de Pépé. Mais je te dirais que l'ensemble de l'œuvre est un petit peu moins ressemblante. Pépesque. Et moins pépesque. J'ai vu plus de ressemblance, je te dirais, avec les Colocs et Dédé Fortin dans le reste des pièces. Mais en même temps, c'est vrai, oui, ça ressemble. Moi, j'avais trouvé comme comparaison un peu Plume, là, mais tu sais, Plume, c'est aussi. J'aime pas Plume, donc peut-être que j'aurais Mais tu sais, Plume, c'est aussi celui qu'on utilise beaucoup pour décrire Pépé, donc tout est un peu relié à travers tout ça. Donc c'est ça, comme vous l'avez entendu dans les paroles, quand même un petit côté critique sociale, c'est ce qui le différencie au niveau du contenu des Plumes et des Pépé, qui sont souvent un petit peu plus dans le Pépé-Kéké. Dans la pépitude. Voilà. Souvent, c'est un petit peu moins pertinent, là, les paroles de Pépé et de son collègue Plume. Aussi au niveau de la voix, vous avez peut-être remarqué, moi la voix me fait beaucoup beaucoup penser à celle de Urbain Desbois. Une ressemblance, je trouve, qui est frappante entre les deux. Mais sinon, là, le reste, si on fait la moyenne de l'œuvre, c'est sûr que ça donne pas quelque chose de très original. Tu vois, la preuve, c'est que la façon de le décrire, c'est qu'on sort à peu près 50 noms d'autres artistes là, pour parler de lui. Ça reste bon pareil. Oui, c'est ça. C'est quand même, mais c'est pour les amateurs du style, je dirais. Donc, étant donné que c'est pas un album que je vous suggère, si ça vous tente de découvrir quelque chose, de vous en aller dans des sentiers, hors des sentiers battus, là. Non, c'est pas vraiment le type d'album qui va vous plaire, Louis-Philippe Robillard. L'album, en passant, s'appelle « Au café des oiseaux ». Mais pour les amateurs du style, pour les amateurs de chansons québécoises, folk et pop, ça peut être un bon album. Donc, cet album de Louis-Philippe Robillard, c'est un album qui est autoproduit, qui n'est pas distribué non plus. C'est vraiment un album indépendant. Donc, pour ça, tu trouvais que la qualité sonore était peut-être pas tout à fait au poil. Donc, c'est quand même comprenable étant donné que c'est un album autoproduit. Mais, par contre, il est quand même disponible sur iTunes, malgré le fait qu'il ne soit pas... En tout cas, je dis qu'il n'est pas distribué, mais peut-être que ça s'est conclu aussi dernièrement. Peut-être qu'il y a une distribution un peu homemade qui se fait. Ouais, ça. Donc, peut-être qu'il distribue lui-même là, dans les disquaires indépendants et tout ça. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment un album indépendant, celui de Louis-Philippe Robillard. L'album s'appelle « Au café des oiseaux ». Et une bonne partie de l'album là, se retrouve sur MySpace, si ça vous tente d'aller écouter ça. Voilà, c'était le bloc de nouveautés musicales avec qui? Oui, le très long bloc d'environ 40 minutes. Ben oui, mais... nouveautés musicales. Ça arrive qu'il y en a des affaires à mettre dans ce cas-là. On va en profiter. Hein, dans ce temps-là, des fois, il n'y a vraiment rien. On se demande si on devrait en parler. Mais aujourd'hui, tu vois, il y avait quand même matière à faire une petite chronique. Et je dirais qu'il y a même matière à revenir pour une deuxième heure d'Assemblage requis avec la présence d'Émilie Gauthier et sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Et aussi la capsule de Martin Bertrand. Sur les sites de rencontres. Donc, lien à faire encore là. Oui, on a même des cadeaux pour vous dans la deuxième heure. Oh, des cadeaux qui ont un lien avec l'amour et les coquineries. Yeah! Ah ouais! OK! Deuxième heure d'assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, émission qu'on doit lever à au moins deux personnes. Avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. C'est lourd, cette émission-là, remplie de contenu. Dans la deuxième heure, on va recevoir Émilie Gauthier, hein, qui va nous parler de plein air, un paquet d'endroits vraiment intéressants à explorer. C'est de ça qu'elle va nous parler. Je pourrais vous en glisser quelques mots. Fête des flocons, centre de ski de fond à Richemont-Melbourg, là. Centre de ski de fond de la montagne coupée, la clé des bois. C'est beaucoup de choses. Wow, je t'écoute parler, puis on dirait vraiment que t'as hâte d'entendre ça, puis d'aller jouer dehors pour vrai. C'est-tu juste moi où j'ai l'air de tout détester dans la vie, de la façon que t'en parles, là? Mais non, hein? juste le plein air. Et le hockey, et la télé-réalité, et le rap. C'est toi qui l'as dit, ça. Ouais. Là. Et toi, en ce moment. Bon, Mathieu. Hola! Mathieu. Voici The Almost et Hands. Black. te demande être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. En pièce d'Orange Orange, je suis le héros. Pièce geek à souhait, faut le dire. Oui, et savais-tu, tantôt, il y a quelques minutes, on écoutait dans les nouveautés CD une pièce de Francis d'Octobre, et tu sais, on se disait que c'était quand même très pop, mais que c'était quand même bien fait, niveau côté arrangement, réalisation, tout ça. Mais l'album de Francis d'Octobre, album qui s'appelle Ma Bête Fragile, a été co-réalisé par Dom Amel, qui est la moitié de Orange Orange, qui est une orange de Orange Orange, et anciennement de Gatineau aussi, Dom Amel. Mais est-ce que c'est la première orange ou la deuxième orange? Ah, ben là, par exemple, faudrait leur demander. Tu penses que ça a une chicane, genre qui est la première orange du nom Orange Orange? Et en spectacle, comment on fait pour les différencier? Pas facile. Pas facile. C'est un fait. D'accord, c'est un fait, ouais. J'avoue que le lien est un petit peu difficile à faire, peut-être. Là. Ah bon. Connais que c'est un fait aujourd'hui où on rafale quelques faits divers et des choses intéressantes dans la vie. Commençons avec la Corée et d'autres pays en Asie de l'Est. L'âge d'une personne là-bas est compté à partir de sa conception et non à partir de sa naissance physique. Ouh, c'est quand même plus dur un peu aussi à établir, hein, la journée de la fête, là, tu sais. Ouais, mais on s'entend qu'à, mettons, plus ou moins 9 mois, j'imagine qu'ils doivent choisir, je sais pas. Bonne question. Parce que, tu sais, nous, on peut même fêter, si on veut, l'heure de notre naissance, là, tellement que, tu sais, c'est facile c'est à... C'est précis. Ouais, c'est ça, mais eux, c'est compliqué, là. Ça complique la vie, mais en même temps, ça pourrait aussi compliquer tout le débat de, tu sais, de l'avortement. Parce que là, l'âge est compté à partir de vraiment la minute près de ouais, ce moment. Mais en même temps, je trouve ça un peu bizarre. Là. Je trouve ça un peu presque pervers là, ouais. comme façon de célébrer ça. Tu sais, quand t'es un enfant, tu sais, c'est vrai. Tu célèbres tu sais, la journée la fois où que tes parents ont fait l'amour pour te créer. Tu sais. C'est bizarre, c'est pas comme. En tout cas, j'avoue. Ben, c'est sûr que tu sais, c'est dans le fond, la naissance, l'existence, c'est ouais. l'existence de la vie. Tu sais, on peut aussi dire que nous, on célèbre tu sais, la journée où on est sorti de l'utérus de notre mère. C'est pas plus catchy, là, mais c'est quand même bizarre là, de célébrer le jour de la conception. Savais-tu, Kiwan, que si tu mets un raisin sec, dans un verre de champagne frais, il va monter et descendre wow. de façon continuelle? Pour vrai, je vais l'essayer. C'est ce que ça dit. A raisin. Hey, mais savais-tu que si tu prends un raisin frais, là, un raisin vert frais, ouais. tu le coupes en deux? Tu mets les deux parties tranchées à plat dans une assiette. Ça ressemble à une poitrine. Non, tu mets ça au four micro-ondes puis ça explose. Ah ouais? Ouais. J'avais vu ça dans une émission, je me souviens plus laquelle, avec Jean-René Dufort. Il a fait l'expérience live à la télé. Ça explose vraiment. Ça fait des flamèches là, puis ça fait du feu. Wow! Ouais. OK. C'est magique. Le record mondial pour ne pas avoir dormi. C'est une période de temps que t'as pas dormi, là. Je sais pas si tu vas le battre. 264 heures, donc 11 jours. C'est par Randy Gardner en 1965. Je doute de la véracité. Ouais. Ça ressemble à un David Blaine qui se dit qu'il est dans la glace, mais que je sais très bien que c'est un tour puis que j'ai vu comment c'était fait. Il y a un gars qui, tu sais, les émissions de magie à TV qui révèle les tours. Là. Bon. Okay. Ça ressemble à ça, il me semble. Ouais, 11 jours, c'est dur à croire. Là. Je sais pas si c'est physiquement possible de survivre pendant 11 jours sans dormir. Moi, j'ai déjà essayé là, 2 jours puis je trouve que c'est assez dur. Trop souvent, je pense, même que tu l'essayes. Passer les 40 heures, là, je te dirais que ça devient top. Ouais. Les chats et les chiens, comme les humains, savais-tu qu'ils sont soit droitiers ou gauchers de pattes? Ah oui? Ah, c'est le fait. C'est gaucher ou droitier de pattes. Je sais pas qu'est-ce que ça change. Peut-être que leur nourriture... Ben pour signer leur nom, pour écrire. Ben oui, évidemment. Quand tu dis que tu signes en pattes de mouche. Pour se brosser les dents. C'est ça. Se fouiller dans le nez, je sais pas. Ils font tout faire par leur maître, eux autres. Ouais, hein? C'est vrai. Fait que... Fouilles-tu dans le nez de ton chat? En fait, oui, parce que mon chat a une rhinite chronique, donc éternuement que je dois des fois nettoyer. Oh, fait réel. C'est le fun. Ben oui, fun à savoir. C'était un autre fait dans ma chronique, c'est un fait. Parmi les hommes qui sont plus vieux, les hommes mûrs, si on veut, la vanille est supposément la senteur la plus érotique. Ah! Ah! Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut donner des drôles de scènes au marché, ça. Non? Ouais. Ben oui, dans la section vanille. Ben oui. Dans l'allée des vanilles, comme on dit. En moyenne, les hommes mariés donnent plus de pourboire que les hommes qui ne sont pas mariés. Ah. Pourtant, tu sais, ah ben non, mais justement, j'allais dire le contraire. J'allais dire que ouais. un célibataire voudrait cruiser en mettant plus de titres, mais quand un homme est marié, il est pris dans sa, tu sais, on pourrait dire routine. Peut-être que, tu sais, il aime ça savoir que la fille va être intéressée par son plus gros titre. Tu sais, va vouloir ouais. l'impressionner, comme oh oh oh, tu sais. Ou peut-être que c'est juste parce que, je sais pas, non. T'avances pas de théorie là-dessus? Non. D'accord. C'est pas pertinent, vraiment. Peut-être comme le prochain effet, ta maison, Kiwan, pas personnellement ta maison, mais ta maison en général, a 10 fois plus de chances de passer au feu que d'être cambriolée. Ah oui? Ah oui. C'est une étude. J'aurais pensé le contraire. Les gens ont beaucoup de temps à perdre. Mais je dirais que dans le quartier Sainte-Cécile, c'est vrai. C'est peut-être que même la proportion passe à plus de 10 fois, là. Tu me donnes vraiment envie d'aller habiter là, finalement. Vraiment, c'est assez fréquent, les incendies. Là. C'est peurant. Les gens qui font des tours de manège ont une plus grande chance d'avoir un caillot sanguin, un caillot de sang, dans le cerveau. Ont plus de chance. D'accord. On dit pas combien plus de chance. Non. Peut-être une fois sur un milliard de plus, là, mais bon. Mais on sait déjà d'avance que je déteste les manèges, donc ça me donne pas même plus envie. Là. Je peux pas. Après ça, viens pas dire que c'est moi qui dis tout le temps que tu détestes tout, là. J'ai pas dit. C'est toi qui viens de le dire. C'est vrai que je déteste ça, t'en dirais. Tu détestes les manèges? Non, je suis pas capable des manèges. OK. J'ai l'air vert en sortant d'un manège, on me l'a déjà dit. Ah, OK. Tous les sorts de manèges, même les carousels, la grande roue. Non, la grande roue, pas sûr, moi. Le non, vertige, c'est un peu trop. Ouais. OK. Ouais. Le monorail à la ronde. Ronde. Non, tu l'as jamais essayé. Ça fait-tu des tours dans un seul sens? Ben, ça fait le tour du site au complet, genre 3 km. C'est correct, ça. Ouais. Okay. L'inventeur de la vaseline. Tu connais la vaseline? Ça si, t'en sers si souvent. Je connais ça. Non, mais est-ce que quelqu'un, en tout cas, vaseline, il me semble que ça sent pas grand-chose. Vaseline, non, en fait, hein, je pense que j'en ai jamais eu chez nous. Moi non plus. On aime bien ça faire des jokes de vaseline, c'est ça. Oh, c'est tellement drôle, le Kiwan! Mais non, je l'ai jamais utilisé, je pense. Donc, on est deux. Il existe tellement d'autres... moyens, oui, bon. Plus lubrifiantes. Tu vas trop loin. L'inventeur de la vaseline mangeait une cuillerée de vaseline par jour. Donc, okay. Je sais pas si ça a commencé par là, l'utilité de la vaseline, qu'on pouvait la manger, que ça servait à quelque chose. À la base, c'était une recette, donc. On dirait. C'est un cuisinier qui avait inventé ça. Je sais, personnellement, c'est un autre des faits que j'ai lu, que les top modèles, les filles sur leur runway, le catwalk, tu sais, les parades de mode, là, se mettent de la vaseline dans la bouche parce que comme ça, leur lèvres collent pas, quelque chose de genre, quand ils sourient, quelque chose de genre. Ah, ouais. Leur lèvres collent pas à leurs dents. C'est ce que j'avais lu. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, vaseline, c'est le genre de produit dont on utilise le nom de marque pour le désigner. Là, comme des Kleenex. Une marque, mais le produit en tant que tel, ça s'appelle gelée de pétrole. Oui. Si tu regardes une autre marque, là, ça va être marqué gelée de pétrole. Petroleum jelly. Puis les gens mangent ça, c'est un petit peu bizarre. Bizarre, hein? Mm. C'est ça. Tout à fait, bien d'accord avec toi. Peut-être que ça goûte bon, par exemple, aussi, le pétrole. Là, on n'a pas goûté. Ouais. Ou la vaseline. On n'a pas goûté la vaseline pour le savoir. Bon, on va demander à des top modèles. Mm-hmm. En parade de mode. Tu te demandais, parade de mode, je suis sûr que tu te demandais. Ça veut dire quoi le G dans G-string? Hein? Non? Ouais, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? G-string, c'est, mettons, DJ, champion chose. Et c'est G-string. C'est ouais. Ça. Le G veut dire groin entre jambes. Ah. Maintenant, c'est logique. Groin, string, corde à entre jambes. Mm-hmm. Moins beau comme ça, je crois. À peine. L'ouvre-boîte a été inventé 48 ans après la boîte qu'on ouvre. Tu sais, une ouvre-boîte, je sais que c'est pas une boîte, c'est une canne. 48 ans? 48 ans après la canne que tu te sers pour ouvrir une canne. Il doit y avoir beaucoup de cannes à ouvrir qui ont inventé l'ouvre-canne. On sait pas, peut-être. Moi, ma théorie, c'est qu'ils servaient, tu sais, comme avec le sirop d'érable, peut-être juste d'un truc, d'un clou, ouais. Faire un trou pour faire sortir le liquide. Il y a un paquet de façons, en fait, d'ouvrir une canne. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, j'imagine, mais je me sers d'une ouvre-boîte parce que c'est plus facile. Hein. Non, c'est ça, mais je veux dire pour ceux qui en avaient pas avant. Bon. Raison. Un travailleur dans un bureau en moyenne passe 50 minutes par jour à chercher des fichiers qu'il a perdus sur son ordinateur. Combien de minutes? 50 minutes par jour. Je peux pas. Ça va être trop long. Mais non. 50 minutes. En moyenne, là. Il y en a qui paraissent longtemps à la job, là. Fait que supposons, là, tu sais, si tu dis toi, tu fais ça pour moins d'une minute par jour, ça veut dire qu'il y en a qui le font pendant 3 heures par jour pour que ça fasse une moyenne du c'est genre, ça. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, ouais, ça peut arriver que tes fichiers ne te mettent pas nécessairement des places qui sont conviviales et faciles à trouver, ça se peut. Mais ça aussi, si c'est un sondage qui a été réalisé par les employeurs, ah. C'est peut-être des fêtes que les employés donnent à leur boss pour dire comme « Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai cherché les fichiers. » Ça se fait très bien. J'avais lu une compagnie dans une nouvelle à un moment donné que la compagnie voulait pas payer leurs employés pour le temps que leur ordinateur prend à démarrer. Donc, dans le fond, ils voulaient payer les gens qui punchent, les gens puncheraient après avoir ouvert l'ordinateur et après s'être rendu dans le bureau Windows, là, ils puncheraient. Mais non, c'est la faute des employés que les ordinateurs sont loin à ouvrir. Ça devrait être payé. Ça, c'est 3 minutes-là que tu gaspilles le matin à ouvrir ton ordi. Mais non. Ouais, ça, en même temps, c'est vraiment cheap là, pour vouloir payer 3 c'est minutes. Très cheap. Peu importe ce que tu fais pendant 3 minutes, là, tu sais. C'est sûrement que tu places tes papiers ou c'est quand même des affaires qui ont rapport avec ta job. Là. Ouais. T'es pas en train de te tourner les pouces. Là. En tout cas. C'est sûrement une fausse image, là, un préjugé que j'ai, mais il me semble qu'il y a tellement d'autres pertes de temps dans les bureaux en général. Là. Je me fie aux gens autour de moi qui travaillent qui ont des métiers de bureau, là, ouais. Vraiment. En tout cas, je trouve que partir son ordinateur, c'est probablement la chose la façon la plus utile de perdre son temps dans une journée. Exactement. C'est pas comme si tu volais plein d'argent à la compagnie. Les nappes ont été, au début, ont été inventées comme serviettes pour s'essuyer la bouche. Les invités s'essuyaient la bouche et leur figure avec la nappe. C'était le but d'une nappe. La nappe? La nappe. Sur une table, une nappe, c'est une nappe. Et ça le. Puis du coup, depuis le temps, ils ont trouvé une autre utilité à ça, je comprends pas. Ben, pour couvrir la table. OK. Mais puis pas faire de dégâts dessus. Mais ils s'en servaient. Ils prenaient le coin de la nappe. La nappe était plus longue sur le côté. Ils s'en servaient pour essuyer leur figure. Tu dis prenais, tu parles au passé, ça veut dire qu'il faut plus faire ça aujourd'hui? Puis je te rage qu'on peut pas non plus se moucher avec. Non, ça, c'est ton mouchoir. Un mouchoir de poche. Mouchoir, ça c'était hot, ça, Colin, je me rappelle là-dessus. T'es malade. Mon père avait tout le temps ça, un mouchoir de poche, mais c'était pas pour se moucher par contre. Il s'en servait plus pour s'éponger le front. Ah, ben mais il y avait toujours, c'est quand même c'est old school. Là, à poids? Un mouchoir, oui, à poids. Wow. Un vrai mouchoir à poids, de poche, tout le temps dans sa poche. J'aime ça. Ouais, c'est cool. Je devrais avoir ça. OK, on va terminer rapidement, là, parce que le temps file. Rapidement. Il y a plus de 40... Parce que je tenais à en parler de ça, là, parce que ça va vraiment te répugner. Il y a plus de 40 000 parasites et 250 types de bactéries qui sont échangés pendant un French kiss. 40 000 parasites et 250 types de bactéries. Ouais, ça, c'est le genre d'affaire qui peut paraître super épeurant, super impressionnant, mais dans le fond, tu sais. Quand tu dors, t'avales plein d'insectes, ouais, de toute façon. Ça, ouais, c'est sûrement plein d'autres choses comme ça qu'on avale et qu'on reçoit dans les places, mais bon. Parlant de place, en Arizona, c'est illégal d'avoir plus de 2 dildos dans une maison et faire l'amour beaucoup, beaucoup, ça peut débloquer un nez bouché parce que le sexe est un antihistamine naturel. Mais là, dans l'état où tu disais, y a-t-il une police du dildo, hein? Les dildo cops qui... Dildo cops? Couple do? Mais c'est quoi, comment ils font pour régir ça, là, tu sais? C'est ça. Pas facile. On saura jamais. Ouais. In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. In December, drinking hot chata, look down your glasses at that aranciada with lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit on sidewalks to walk out. You'd still enjoy it with your foot on the side. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit inside. Retour, la chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Le bon métier dans tout le temps! Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou. 89.1. Vous êtes toujours avec Kiwan et Mathieu à Assemblage Requis. C'est vrai ça. Avant la pause, pour ceux que ça intéresse, on a entendu Vampire Weekend. Oui, Vampire Weekend avec la pièce Horchata, un extrait de leur nouvel album Contra. Je prononce pas assez. Horchata! Horchata. Horchata. Tu peux le dire ouais, comme ça, avec le petit accent et tout. Ouais. C'est parce que sinon, ça fait Loser Horchata. Non, mais Horchata, c'est parce qu'ils le disent comme ça dans la pièce. Je sais pas. Je ne sais pas entendu dire Horchata. Je sais pas, non. T'écoutais mal. Bon, ça doit être ça. On reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Voici « Veux-tu sortir avec moi? » Hey, Émilie! Salut! Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Coche oui, coche non. Beau jeu de mots. Merci. T'aimes ça, le nom de chronique, oui. Apparemment? T'as vraiment... Oui, je suis fière de vous. C'était une bonne idée. Merci, on prendra pas tout le crédit. Hein. On fait oui. Oui, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Ouais, c'est un peu moins. Ouais, effectivement. Ben, bravo. Ben, merci. Merci. Merci. Hey, oh, oh, oh. Mais c'est trop. Les violons vont commencer comme dans les galas. Donc, il faut qu'on arrête de parler. OK. OK, donc, tout ça, malgré ce qu'on vient de dire ici, là, c'est une chronique plein air. Oui. Voilà. Pas une chronique comment rencontrer l'âme sœur. Non. Non. Non, je vous aiderai pas là-dessus. D'accord. Même si on va en reparler un petit peu plus tard, non, c'est pas ça qu'on va faire tout de suite. Non, c'est ça, une chose à la fois. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets dans une même chronique, je trouve. Tu trouves? Non, mais je trouve ça cool d'avoir plein de petits sujets comme ça, c'est parfait. Bien. C'est parfait. Ouais. On pourrait pas demander mieux. Mais non. Bon. Commençons avec la fête des flocons. Oui, c'est une journée d'activité qui est prévue à l'île Saint-Quentin dimanche prochain, le 24 février. La fête des flocons... Janvier. Je t'ai dit février? Je crois que oui. Ben, 24 janvier, dimanche prochain. Celui ouais. qui s'en vient juste là. Ouais, dimanche. D'accord. Là. C'est une journée d'activité qui est faite pour découvrir un peu les activités qui sont possibles au parc de l'île. La programmation de l'événement, dans le fond, le parc ouvre à 9h avec ses activités régulières, raquettes, ski de fond, patins. Ensuite, de midi à 16h, il y a des tours de traîneau à chiens et des tours de carriole qui sont disponibles. Puis, sur la glace, il y a une activité disco avec DJ et animation. Oh, disco! Yeah! Wow! C'est le temps de ressortir nos patins à roulettes et pas à roulettes sur la glace. Ressortir, ouais. T'as déjà eu ça, toi? Non. C'est ça. Je pense que je mais ça va être dur aussi sur la glace. Là. Les patins à roues sur la glace, ça risque d'être... Téméraires peuvent s'essayer. Hein? Ouais, on ouais. sait jamais. Amenez votre chaise pour vous traîner. Tu sais, quand tu te tiens après une chaise. Mm. Oui. OK. C'était juste ma petite publicité trifluvienne. La fête des flocons à l'île Saint-Quentin dimanche prochain, le 24. Sinon, aujourd'hui, je me concentre un peu plus sur des endroits à découvrir en ski de fond. J'ai lu le magazine Espace du mois de janvier 2010, l'article « Où aller avec ses skis » de Barclay Fortin. Très bon magazine en passant. Très beau nom aussi. Très beau magazine aussi. Voilà. Il y avait 5 endroits, mais il y en avait 2 qui étaient vraiment trop loin d'ici, comme à 3-4 heures de route. Je me suis dit peut-être pas. Mais sinon, il y a 3 endroits qui étaient environ 1h30 d'ici, donc je me suis dit que ça serait intéressant. S'il y a un professionnel qui les a testés, je me suis dit que ça serait intéressant de vous en résumer un peu. Voilà. C'est ça. Alors, commençons avec le centre de ski de fond, Richmond-Melbourne, ou Richmond-Melbourne. À prononcer comme on le veut. Un en français et un en anglais, disons Richmond-Melbourne. Voilà. Et moi, ma famille vient de là en passant. Ah! Parenthèse. Richmond, Danville. Plus Danville, mais c'est à côté de Richmond. Ben, bonjour à la famille de Kiwan. Oui, oui, bonjour à vous. Bonjour. C'est un centre où presque tous les sentiers sont des couloirs étroits à une seule voie. Donc, c'est vraiment pour le style de glisser classique. J'en avais déjà parlé dans ma chronique, vraiment axé, voilà, sur le ski de fond. Il y a vraiment le pas classique et le pas patin. Si vous voulez, vous pouvez toujours retourner voir la balado-diffusion que j'expliquais les différences. Sur le cifou.ca. Voilà. Au centre de ski de fond Richmond-Melbourne. Richmond-Melbourne. Richmond-Melbourne. C'est en Australie, hein, en passant. Ah! On retrouve 8 pistes de niveau facile, 7 pistes intermédiaires et 6 pistes de niveau expert. Puis ça fait une centaine de kilomètres de pistes. Donc, on a le choix en masse de quel trajet on veut faire. Fait que tu peux pister dans la neige en masse. Pister dans la neige. Pister dans la neige. Écrire son nom. Avec tes skis. Avec tes pistes. Avec tes pistes. OK. Je vais continuer. Merci. sur place, il y a un refuge chauffé tout au long des sentiers. Il y a des petites cabanes chauffées. Il y a un resto-bar au chalet d'accueil, donc nourriture et boissons. Il y a une salle de fartage pour l'entretien de ski. Le fartage... De fartage? C'est appliquer la cire. La cire, c'est du fart. Mais le monde appelle ça de la cire de ski de fond, mais le vrai nom est du phare de ski de fond. Ah! Donc, il y a une salle de fartage pour l'entretien des skis. On peut aussi louer de l'équipement pour les adultes et les enfants. Le stationnement est gratuit. On doit débourser 11 $ par adulte ou 6 $ par étudiant pour accéder au site. Et 12 $ pour la location d'équipement. Non, excuse-moi, c'est parce que je vois Mathieu qui retient tous ces jeux de mots de fartage. Là, je trouve ça très drôle. Ben, j'adore, je réussis. Ouais, t'es bon. Vas-y, lâche un, là. C'est fait. Voilà. Donc, pour terminer sur ce centre-là... Immature. Je pense que désolé. Je m'en vais. Au revoir. Non, ça va. Revenons à notre sujet. On parle de choses très classe. On parle de ski. Bon. Oui. Fait que je termine le centre de nom anglophone francophone. C'est situé dans la municipalité de Melbourne. C'est environ 1h30 de Trois-Rivières. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site skidefond.ca. Ouais, c'est pas très loin de Sherbrooke, ça. Richmond, Melbourne. C'est à peu près à mi-chemin entre Drummondville selon et Sherbrooke. Selon MapQuest, c'est 1h30. Ouais, c'est ça. J'en doute pas. Voilà. Fais confiance à MapQuest. Je fais confiance à Émilie, en tout cas. Ah. Tu fais bien. Voilà. Toujours dans le domaine des centres de ski de fond, hein? Le centre de ski de fond, de la montagne coupée. Oui. Tu n'as qu'une seule demi-montagne là-bas. C'est ça. C'est un tiers. Un tiers, ok. Ouais. C'est un centre où il y a des vues magnifiques, justement, de la montagne coupée. C'est proche de la rivière L'Assomption aussi. Il y a une falaise, une forêt. Le site de la montagne offre des pistes entretenues avec un équipement de fine pointe. Ouh! Selon... Est-ce que c'est la pointe qu'ils ont utilisée pour couper la montagne en deux? Probablement. Je vais continuer. on a fait 40 km de sentiers tracés pour le pas classique et 30 km pour le pas patin. Encore une fois, balado-diffusion pour plus de détails. Oui, c'est ça. Balado-diffusion qui est pas payé par tout. Ouais? OK, c'est bon. C'est un jeu de mots avec pas dedans. OK, je vais continuer. Pas dedans. Des fois, c'est utile de l'expliquer, mais... Ouais, je l'avais comme pas compris. Ouais. On dirait que je m'habitue à l'humour de Mathieu. Non, c'est ça. Je pense qu'on va comme avoir passé la moitié de la chronique à essayer de comprendre les jeux de mots. Il va falloir faire une capsule en balado-diffusion qui va servir à comprendre tes blagues. Donc, on va pouvoir mettre référence balado-diffusion à chaque fois qu'il y aura une blague. Ouais. Ça va être plus facile. Ouais. Mais okay. On va continuer à parler continue, de ski. Ouais. OK. sur place, il y a une école de ski de fond pour les enfants de 3 ans et demi et plus. 3 ans et demi et plus? 3 ans et demi et parce plus. Parce que c'est 3 ans et quart, c'est pas correct, ça. 3 ans et demi et 3 plus. 3 ans et demi et plus. Oui. Wow. Il y a aussi une boutique spécialisée et encore une salle de fartage. Juste pour toi, Mathieu. Merci. Pour aller sur place, on doit débourser 14,50. Encore un et demi. 14 et demi. Oui, 14 et demi. Pas 15 $. 14,50. C'est ça. Mm-hmm. La location doit débourser 14,19 plus taxes. c'est dans tes dents, mais tu plantes. Ouais. mais on peut aussi louer des raquettes pour 12,40 et 10 $ pour accéder au site. Allez, oh, il y a un chiffron, par exemple. 10 $ juste, là. Ouais. Pas 9 et 34. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu, aujourd'hui? Je trouve ça absurde. Est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Non. Voilà, ça l'explique tout. Près des trains, c'est pas facile de bien dormir. OK, je vais finir ce site-là, là. T'en lâcheras quelques-unes. C'est bon. Je suis au continent. OK, attends, je me retiens. C'est situé près de Saint-Jean-de-Mata. C'est environ 1h15 de Trois-Rivières. Pour plus d'informations, on peut se rendre skimontagnecoupé.com. Est-ce qu'il y a un accent sur le E? Non, mais okay. C'est coupé, P-E-E à la fin. Ah, d'accord. Parce que c'est une montagne. Oui. Donc, ah, mais je viens de comprendre leur affaire. Peut-être que c'est pour ça que c'est des ennemis partout, parce que la montagne est coupée. Fait qu'ils se sont dit, ben, tant qu'à faire un jeu de mots avec coupé, on va aussi mettre les prix à moitié, avec de l'âge à moitié. Puis c'est à 1h34 d'ici. Puis on se... Tu sais, etc. Faut que je change des souliers à moitié de ta pointure. Puis... Ouais. Tu portes pas des 10, des 11 là-bas. Tu portes des 10 et demi. Tout est fait à moitié. OK. OK. Est-ce que je peux continuer? Tu peux continuer avec la clé des bois. C'est dernier, là. Fait que là, retiens-toi jusqu'à la fin. Ah, là. S'il te plaît, Mathieu. Tu m'en demandes pas mal, par exemple. S'il te plaît. Tu m'en demandes beaucoup. Bon. Je Je me dépêche. Je veux ça juste pour toi. C'est ça. C'est un centre où est-ce qu'on fait un peu du ski old school. C'est dans le fond du pas classique. C'est dans des sentiers étroits tracés pour le ski de fond. J'ai déjà parlé des types de patinage. Encore une fois. Oui. Hein? Et en tant que fille, aussi des affaires de patinage. Non. Ta chronique de patinage? Non, je m'en souviens pas de celle-là. J'aimerais ça que tu partes ça, moi. OK. OK. Bon, on s'en reparlera la semaine prochaine. Je pense. C'est bon, on s'en reparle cet été. OK. Pas cet été. Ben oui, pour la prochaine session. Ben oui. C'est là, pas le temps, là. Aïe, aujourd'hui, ça a même je pas de sens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Kiwan est là, puis il nous regarde, puis il fait comme, ah là, ça va se finir, leur affaire. Ouais, si j'aime mieux pas en rajouter, ça va être trop compliqué, là. Pour l'auditeur qui essaie de suivre. L'auditeur commun là, qui est en train de se perdre, de foncer dans un poteau, quelque chose. Ou qui a déjà changé de poste, probablement. C'est sûrement, ben oui. Il a pris la clé des champs. Mais non, c'est pas vrai. Okay. Clé des bois, donc. Clé des bois. Qu'est-ce qui attire le plus les gens dans ce centre-là? C'est la piste, dans le fond, qui se rend au sommet d'un mont de 600 mètres d'altitude. Donc, ça fait une belle vue. Mais ça, piste haut. Mais ça doit être une piste compliquée, par contre, s'il y a une montagne de 600 mètres à monter. C'est niveau expert, c'est ça. C'est sûr qu'il faut monter sans arrêt pendant une dizaine de minutes, puis c'est monté, là. Donc, t'es comme un petit peu brûlé à la fin. Mais il y a un petit chalet chauffé en haut, puis tu peux reprendre tes forces. Puis chocolat chaud. Je pense que... Mais c'est fun aussi que ça ait été dur. Quand ton objectif, c'est de te rendre dans le refuge, de faire un petit feu, de faire chauffer une canne de bine, ben, tu sais, faut que tu l'aies mérité quand même. Que ça ait été dur. Si c'est trop facile, tu sais, si la cabane chauffée est à côté du parking, puis là, tu fais chauffer ton ragoût cordon bleu avant de partir, c'est pas le fun. T'as aucun plaisir à faire ça. T'imagines-tu la descente après? Tu te laisses aller pendant. C'est ça, là, t'as mangé ton petit snack dans ta petite cabane chauffée, t'as fait sécher tes affaires, puis là, tu redescends après. C'est pas le fun. Ça descend tout seul? Ouais. C'est merveilleux. Ça va être terrible. Terrible. Il y a 8 pistes disponibles pour un total de 60 km. La plus longue, celle qui monte jusqu'en haut, est de 30 km. Donc, c'est quand même une piste expert. C'est une piste. Là. C'est un trajet qui fait 30 km. Fait qu'il faut vouloir. Ouais, quand même. Il y a 3 pistes faciles, 3 pistes intermédiaires, 2 pistes difficiles. Puis, c'est vraiment pour le type classique. Le tarif d'entrée est de 7 $ par adulte, 5 $ pour un étudiant. Il y a un service de restauration, le chip, jus, eau, chocolat, etc. Il y a aussi un service de location. C'est situé à Saint-Ferdinand, donc environ 1h30 d'ici. C'est proche de Victoriaville, Saint-Ferdinand. D'accord. Oui. Mais c'est tout. C'est tout? Ah. Pas de conseils de maman? Non, mais allez voir la patinoire. Oui, c'est à côté ici. Oui, ben là, je sais pas avec la température étrange qu'il y a eu en fin de semaine, mais la semaine passée, elle était jolie. Voilà. Ça avait goût. C'est gratuit en plus, hein, je pense. Oui. Ouais. Ben, c'est gratuit pour les étudiants. Pour les étudiants, OK. Mais je sais pas si c'est gratuit pour le monde de l'extérieur. Parfait. Mais bon. Voilà. Allez-y quand même, pointez-vous. Si ça coûte quelque chose, ben, déboursez-le. Mm-hmm. Ça doit être comme 2 $. Ouais, c'est ça. Ben, plus. Bon. Donc, c'est la patinoire de l'UQTR. Tu iras farter tes patins, Mathieu. Pis... Oui, moi, allez, farter ça. C'est drôle, tu l'avais pas trouvé si drôle que ça quand j'avais fait ma chronique sur ce qui te fait. Non, je me rappelle pas en tout de ce mot-là. Tu l'as sûrement dit très subtilement, d'une façon très intégrée à la conversation. On peut farter nos skis. Ça passe très inaperçu comme ça. Sûrement. Ouais. J'aime ça. T'aimes pas ça du tout, dis-le. Non, je veux pas sortir avec toi, dit la réponse à la chronique qui s'appelle « Veux-tu sortir avec moi? » Mais non, Mathieu. Non. Bon. C'est tout. Ouais. C'est dit. Bye. Bye. Je te quitte. C'était Émilie Gauthier et sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » qui sera de retour la semaine prochaine, mardi, comme toujours. Oui. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Merci, Émilie. À mardi prochain. À mardi. Et nous n'arrêterons plus. Nous, Mathieu, est-ce qu'on s'en va en musique ou tu préfères peut-être qu'on aille choix entendre... B. Choix B. Choix B avec un... Ouais, choix B. B comme B. Comme avec deux doigts, là, évidemment. Oui, parce que ce qu'on pourrait aussi aller faire, c'est écouter la chronique de Martin Bertrand. Généralement, on l'écoute toujours les lundis, mais tu vois, hier, on s'est dit, oh, on a encore du temps, on repousse ça. Finalement, on l'a pas joué. Et on est en train de faire la même chose aujourd'hui, donc je te suggère qu'on aille faire ça tout de suite, qu'on ait écouté Martin Bertrand. Sa capsule aujourd'hui... Homme cherche femme. Traite justement des sites de rencontres. Donc, c'est une bonne femme. Et parlant de rencontres et de choses qui peuvent possiblement se passer lorsque deux personnes adultes se rencontrent, on a des cadeaux pour vous.

Une van, un train, qu'est-ce qu'il y a d'autre après un jet? Ben, je trouve que le divan est souvent aussi très sous-estimé. Et là, on ne parle pas de moyens de transport ici. Non, vraiment pas. Non. Donc, oui, on parle du salon, du merveilleux salon pour lequel on a des billets. Ça se passe en fin de semaine. Parle-nous-en un peu. Oui, c'est le salon de l'amour et de la séduction. Donc, ça a lieu du 22 au 24 janvier. C'est 3 jours de temps. C'est en fin de semaine qui s'en vient. C'est à la place Bonaventure. Donc, il y a différents... Oh, une bonne aventure. Bonne aventure. Hey. Donc, il y a plusieurs exposants, divertissements, des séminaires, tout plein de trucs qui se passent là-bas. Et tout ça en rapport, évidemment, avec l'industrie de l'amour et de la séduction et du sexe. Donc, nous, on a un laissez-passer double à vous offrir. Tout de suite, ça vaut 35$ au total, quand même. Et on vous donne ça tout de suite. Vous avez qu'à nous appeler au 819-376-5183. Et on donne ça au premier appel qui nous rejoint tout de suite. Au troisième appel. Au troisième, OK. Troisième. Enfin, troisième pour aujourd'hui, ça. Troisième, parce qu'à trois, c'est... En tout cas, il y en a qui disent qu'en tout cas... Donc, vous devez être disponible en fin de semaine du 22 au 24 janvier. Et aussi, c'est important, vous devez avoir 18 ans. Parce que c'est vraiment le salon de l'amour et de la séduction. Il y a vraiment des choses coquines qui se passent là-bas. Donc, pour vrai, il est marqué sur le billet, il faut avoir 18 ans. D'accord. Donc, une dernière fois, le numéro de téléphone 819-376-5183. Et pendant qu'on attend votre téléphone, on va écouter quelqu'un parler à travers un téléphone dans Chanson d'Éléphantine. Oui, on va aller écouter Éléphantine tout de suite avec la pièce en attente d'un moment présent et on vous le rappelle. Ils sont dans quelques heures, hein, bientôt, ici au Gambrinus, juste à côté de l'université, en spectacle pour seulement 5$, Éléphantine. On attend de moment présent par Éléphantine à Assemblage Requis. Oui, et c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, c'est vrai, mais on a plein de choses à se dire avant de se quitter, donc oui, faire un petit rappel peut-être des événements qui se passent ce soir à Trois-Rivières. Donc, Éléphantine, on en a parlé il y a quelques minutes, sont en spectacle au Gambrinus. Mais aussi, les nouveautés de l'ONF, ça se poursuit à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Ça fait déjà, c'est la quatrième soirée de représentation. Des nouveaux documentaires arrivés à l'ONF, donc ils sont présentés ici à la Maison de la Culture. C'est à la salle Anaïs Allard-Rousseau à 19h30 et c'est toujours gratuit. C'est toujours précédé aussi d'un court-métrage d'animation. Ce soir, le court-métrage qui va être présenté dure 12 minutes s'appelle « L'homme qui dort ». C'est l'histoire d'une femme qui vit avec son mari qui dort toujours et se rend compte finalement que peut-être qu'il dort pas. Il se rend compte que finalement c'est un chat. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est « L'homme qui dort », donc c'est ce qui va précéder la présentation principale. Le programme principal, ce soir, c'est le film Avenue Zéro. C'est un documentaire de Hélène Choquette et les actrices. Donc, Hélène Choquette va être présente ce soir après la représentation pour répondre à vos questions, pour parler du film. Le film Avenue Zéro, ça parle de la traite des humains. Pas dans le tiers-monde, pas dans des pays très loin d'ici, la traite des humains au Canada. Donc, ça nous fait le portrait des esclaves modernes ici, chez nous. Donc, ça risque d'être très, très intéressant. C'est un film que je vais aller voir, moi, ce soir. Et donc voilà, suggestion sortie pour ce soir. Merveilleux, ça fait une belle soirée, je dirais, une belle période de temps que vous avez passé à faire plein de choses. C'est comme tiraillé, hein, un peu, des fois, il me semble. Oui, ben si tu vois, la semaine passée, justement, mardi passé, exactement une semaine, il y avait deux événements. Il y avait les nouveautés de l'ONF, c'était le film Roadworth, et il y avait aussi les kinos. Là, je disais justement en ondes ici à l'émission que j'essaierais de faire les deux. J'en ai pas reparlé, mais je peux vous confirmer, c'est impossible. Ça se fait pas faire aller voir un film à Salanin, Salarousseau et Kino après, parce que c'était comme les heures concordaient pas vraiment. Je suis arrivé à Kino, j'ai pogné la fin du dernier film. Mais par contre, ce soir, j'imagine que premièrement, le film est plus court ce soir. Le film de ce soir, Avenue Zéro, dure seulement 52 minutes, donc ça va durer un petit peu moins longtemps. Et le spectacle de Éléphantine risque de commencer un petit peu moins tôt. Donc ce soir, j'ai bon espoir de réussir à couvrir les deux événements. Je te le souhaite. Et Bouquet Kiwan, on va t'appeler Bouquet Kiwan. Ouf. Bon. Restez sur nos ondes, c'est fou hein, parce que nous on se quitte, mais après ça il y a Chérie Mécoutu en rappel, ça commence à 17h, puis c'est Rock Révélé à 19h et réanimation à 21h. Demain évidemment soyez à l'écoute pour la pilule du lendemain avec Simon Fitzbé à 7h. Il y aura aussi Connaître Ensemble demain matin, c'est bien. Le 18 cours sera là, palmarès c'est fou, moi je vais vous retrouver à 13h demain avec les palmarès édition anglophone. Voilà. Et Assemblage requis à 15h, comme d'habitude. Comme toujours, on se quitte avec Pete Yorn et Scarlett Johansson. Voici Shampoo. À demain. Bonne soirée. Bye. Another morning comes. times that I had. Oh, oh. Last thing I